لقاء صديقة صدفة في الشارع. Rencontre d'une amie au hasard d'une rue. Ah, salam, كيف حالك؟ Ah, tiens, salut, comment ça va? Ah, salam, أنا بخير وأنت؟ Ah, bonjour, je vais bien, et toi? أنا بخير, لقد بدأت بتلقي التدريب. Oui, ça va, je viens de commencer une formation. إنه مفيد والجميع لطفاء. C'est intéressant, et les gens sont sympas. وأنت, ما الجديد لديك؟ Et toi, quoi de neuf? آه, لم أقل لك, أصبحت جدة منذ 10 أشهر. Ah, je ne t'ai pas dit, je suis grand-mère depuis 10 mois. لقد انتظرت هذا منذ فترة. Ça faisait un moment que j'attendais ça. آه, هذا رائع. Ah, c'est génial. نعم, أنا سعيدة جدا. Oui, je suis très heureuse. هل هي بنت أم ولد؟ Et c'est une fille ou un garçon? إنها بنت صغيرة وهي جميلة. Une petite fille. Elle est adorable. وغير هذا, أنا أيضا بدأت تلقي التدريب. Et à part ça, moi aussi, j'ai commencé une formation. آه, هذا جيد. Ah, c'est bien. والصحة, هل هي بخير؟ Et la santé, ça va? نعم, بخير. Oui, ça va. سعدت بلقائك. Ça m'a fait plaisir de te voir. أنا أيضا. Moi aussi. أكون مسرورة لو نشرب القهوة مع بعضنا. Ce serait agréable de prendre un café ensemble. نعم, لما لا؟ Oui, pourquoi pas. هل رقم الهاتف ما زال نفسه؟ لم يتغير؟ Tu as toujours le même numéro, il n'a pas changé. نعم, هو نفسه, وعنواني أيضا لم يتغير. Oui, et aussi la même adresse. نتصل ببعضنا لاحقا إذن. On s'appelle bientôt alors. موافقة, نلتقي لاحقا إذن. Ok, salut, à la prochaine. نعم, أراك لاحقا, سلامي لعائلتك. Oui, à la prochaine, bonjour à ta famille.